les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'écriture, plus que l'image, a occupé les premières années du parcours de Chris Marker. À la revue Esprit, notamment, dans laquelle il publia de nombreux articles entre 1947 et 1955. Il y eut aussi la poésie, un roman, Le cœur net, en 1949, et en 1952, un essai sur Jean Giraudoux. Tout naturellement, le texte, l'écriture, menèrent Chris Marker à plusieurs reprises vers les studios de radio. Solitude, diffusée en 1943 à la Radio Nationale, une pièce radiophonique écrite sous le pseudonyme de Marc Dornier. L'Aube Noire, en 1949, sur Paris Inter, dans le cadre d'une émission de poésie. Toujours en 1949 et sur Paris Inter, Cirque de notre vie dans la collection Les Argonautes. Et aussi, La peur à la radio, Le Fantastique, en 1950, une émission de science-fiction, encore sur Paris Inter, écrite par Chris Marker, Jean Basset et Pierre Schaeffer. Jusqu'à la fin des temps, l'émission de la RDF que nous entendons maintenant est un essai dramatique d'un peu moins de 20 minutes que Chris Marker signa en 1949. Un récit empreint d'inquiétude, au temps d'un après-guerre irréel, dans lequel, comme dans un mauvais rêve, le monde menace de s'abîmer. Veuillez écouter Essai dramatique, une production de Roger Iglesias. Dans cette série d'émissions, nous vous présentons les réalisations de jeunes auteurs, comédiens et metteurs en ondes. Ce soir... Mise en onde de Georges Godbert. Pat Corman. Je vends des tas de choses froides dans une boutique de la rue principale qui ressemble elle-même à un frigidaire. Je ne suis pas le genre de type à qui il arrive des choses. Et pourtant, je ne suis pas tranquille depuis le lendemain de la victoire, lorsque commença cette pluie qui ne devait pas cesser durant 3 jours. J'étais venu à ma porte pour voir le spectacle, mais on ne pouvait plus tenir dehors. Les gens se mettaient à courir ou entraient dans les maisons. Le ciel s'était vidé d'un coup comme un terrain de jeu. Quelque part au-dessus de ma tête, une réclame lumineuse tourneboulait et baignait les façades à coups de langue bleue qui donnait le mal de mer. Au ras du trottoir, une conduite sculptait des gargouilles d'eau. Petit à petit, un fantôme de ville renversée creusait la rue et des bonshommes doubles comme des découpages dépliés voltigeaient dans le vide. Salut, Pat. Allô, Jerry. Quel temps. Eh, la paix commence bien, vous ne trouvez pas? Je pense que c'est tous les Japonais que nous avons expédiés au ciel qui se vendent. Je vous en prie. Oh, en pleurant, Pat, en pleurant. Qu'est-ce que vous alliez croire? On a quand même fini cette bonne vieille guerre, hein? Nous avions le droit pour nous. Sûr, sûr. Oh, c'est une bonne chose, le droit, hein? Et puis la bombe aussi, c'est une bonne chose. Deux bonnes choses pour nous, hein, Pat? Nous sommes un grand pays. Un soldat ne doit pas plaisanter sur ces choses. Bah, mais j'ai un pied dans le civil, Pat. Celui qu'on m'a plâtré, bien entendu. L'autre est encore propriété de la nation. Je défilerai à cloche-pied sous les arcs de triomphe, hein, Pat? Quelle attraction! Je suis désolé que vous soyez fou. Mais il n'y a pas de quoi, Pat. Il n'y a pas de quoi. fichutant, hein. Eh ben, je vais au club. Vous n'irez pas? Sûrement. Sûrement que je vais courir par un temps pareil pour entendre un sacré sale nègre baver dans une trompette. Ah, je vois. Vous avez encore des idées sur les nègres. Mais c'est un préjugé. J'en ai rencontré de l'autre côté des mers qui buvaient tout à fait comme des hommes. Si vous voulez savoir ce que je pense, vous êtes un type fichu, Jerry. Moi aussi, j'ai fait la guerre. Mais ça ne m'a jamais semblé une raison pour plaisanter et pour divaguer sur les choses. Au contraire. Quand on s'est arrêté de faire la guerre, je n'avais qu'une idée, c'était de ne plus bouger pendant longtemps. Vous autres, on dirait que ça vous a mis en route et que vous ne pouvez plus tenir en place. Vous ne croyez plus à rien, si vous voulez savoir mon avis. Oh, vous êtes rudement bien comme cela, Pat. Vous gesticulez devant la vitrine et la pluie vous allume de tous les côtés. La nuit, maintenant, était tout à fait tombée. Un flot de serpentins jeté d'une fenêtre, la veille, s'était entortillé autour du bras d'un lampadaire au-dessus de la boutique. Et cette branche lumineuse, raturée par la pluie, avait l'air poudré de la neige phosphorescente que l'on met sur les arbres de Noël. Il n'y a pas un grain de sens dans tout ce que vous dites. Il n'y a plus un grain de sens nulle part, mon vieux Pat. C'est merveilleux. Rien ne tient plus en place. Tout à fait comme si la baraque où nous sommes se mettait tout d'un coup en route, tenez, et allait se balader à travers toute la ville. Oh, fichez-moi la paix, Jerry. Moi, j'ai les pieds par terre. Et vous pourriez parler comme cela pendant des semaines sans que vous ni moi ne cessions d'avoir les pieds par terre. Et la même rue, à la même place, et toute la vieille cambuse autour, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tout juste. Mais il faudra bien qu'elle vienne, la fin. Assez! Vous m'attristez, Pat. Vous êtes trop heureux. Vous ne vous inquiétez de rien. Il faudra bien que l'ange du Seigneur y remédie avec une bonne crise de foi. Ou une femme. Fermez dans cette porte. Excusez-moi. Pat, vous savez ce que j'ai pensé? Ce que nous sommes des tas à avoir pensé, dans les trous d'Ornard et ailleurs. La seule chose que nous ayons ramenée avec nous. Je ne vous écoute pas. C'est cela, Pat. La fin de la vieille cambuse. Ne me prenez pas pour un de ces cinglés qui braille que le monde va sauter parce que nous avons offensé l'Éternel. D'abord, c'est pas du tout une explosion. C'est plutôt quelque chose comme de la décomposition. Les villes en cendres. Vos mains et vos jambes, et la table et les pierres qui se mélangent, qui ne font plus qu'un, comme les chaînes et les pieds des prisonniers. Ça, nous l'avons pensé souvent dans une pluie comme celle-là, quand on ne pouvait plus distinguer les hommes des pierres, ni des chiens, ni des tentes, ni des armes, ni de la fumée, qu'il n'y avait plus de raison du tout pour continuer à les distinguer. Que tout était dans tout, comme dit l'autre, et que rien n'en sortirait plus. Hein, Pat? Un coup de pouce et tout se mélange, comme une boule de glaise. Vous avez un beignet en guise de nez, et des brosses à dents dans la moelle épinière. Et une boutique comme la vôtre, Pat, qui sort de la ville comme un poids de son écorce et qui avance à travers les rues jusqu'à la mer. Je mets un disque. Si vous voulez. Je haïssais Jerry. Tout le temps de sa permission, il était venu me raconter des histoires à moitié rêvées On ne pouvait pas savoir si c'était sérieux ou s'il se moquait de vous. Je me demande encore s'il trouvait ça dans les livres ou bien... Et le comble, on ne pouvait pas envoyer promener comme cela un soldat décoré, blessé et tout. Et cette espèce de malaise qui suivait ses visites, comme si dans ses folies, il avait touché en vous une plaie, quelque chose de caché, de honteux, une douleur endormie dont le sang s'était perdu, mais qui durait comme leur mort. C'est inouï ce qu'on peut faire de Chopin avec un peu de goût. Bon, eh ben moi je m'en vais au club, hein. C'est trop triste chez vous, Pat. Je vous laisse. Tâchez d'être correct avec la fille, hein. Adieu, sister. Vous reverrez, Pat, eh. Oh, oh là. Oh, les éléments déchaînés. Le blizzard. Maman. C'est ici que les choses se compliquent. Je croyais connaître à fond ma rue et mon paysage quotidien. Dans cette ville construite à l'équerre, tout coïncide, tout s'imbrique. Lorsqu'on est debout au centre de la porte d'en face s'encadre exactement dans le contour de la vitre. J'en avais fait souvent l'expérience dans mes heures de désœuvrement, quand je clignais d'un œil puis de l'autre pour la voir faire un saut de côté. Est-ce que je m'étais toujours trompé? Ou était-ce un effet de cette sacrée lumière? On aurait juré que la porte de l'autre côté de la rue débordait nettement sur la vitre. Je me mis à cligner des yeux. Vous avez des tics en plus? Excusez-moi, je dois avoir l'air complètement idiot. C'est cette sacrée lumière. Oui, assez extraordinaire, n'est-ce pas? Il avait l'air drôle, votre copain. Je pense qu'il était saoul. Il parlait de la fin du monde. C'est intéressant. Tout le monde en parle beaucoup en ce moment. Mais pas moi. Ah, c'est que vous êtes un dur, vous, Pat. C'est bien Pat, n'est-ce pas? Oui. Vous avez une belle voix. N'est-ce pas? J'ai beaucoup de succès avec ma voix. J'ai aimé quelqu'un qui... Oh non, je vous en prie, pas de confidence. Oh, moi, vous savez, ça m'est égal. D'habitude, les gens aiment ça. Eh bien, voilà déjà deux fois que j'affirme ma forte personnalité. Je ne parle pas de la fin du monde et je n'aime pas les confidences. Et vous avez des tics. Mais non, je croyais seulement que... Tenez, on dirait encore que... Quoi? Rien. Sacrée lumière. Alors, qu'est-ce qu'il vous disait, votre amoureux? Il disait que ma foi existait en dehors des mots, comme la musique. Et aussi que l'ange de la mort l'appellerait avec ma voix. Vous dites des choses comme cela, vous? Non, je ne dis pas de choses comme cela. Je ne pense même pas de choses comme cela. C'est encore des balivernes, comme l'autre avec la fin du monde. Oui, vous n'y croyez pas. Et pourtant... Pourtant, l'autre côté de la rue n'est plus tout à fait à sa place. Et vous le savez. Qu'est-ce que vous dites? Et vous n'osez plus le regarder. C'était maintenant à hauteur de la vitrine droite. Elle dérivait encore, nettement. Les deux côtés de la rue glissaient comme deux vaisseaux se croisant bord à bord. Du fond de la nuit, les maisons s'ordonnaient et se dressaient comme des pans de décor. Le manège écœurant de la lumière violette, mauve, bleue entraînait tout cela et dirigeait la marche. Comme un plateau ébranlé, la rue tournait de plus en plus vite. Gargouille d'eau octet. La lumière tirait les maisons, s'échappait des maisons. L'ange de la mort appelait avec sa voix. Et du fond des trous de renards, Jerry et tous les morts faisaient des signes aux villes qui passaient. De la maison stop, mais personne ne s'arrête. Vous savez ce qui va se passer maintenant? La boutique jusqu'au bout de la ville, puis la mer. Je lui ai dit, mais autant parler à un beignet. Devant les vitrines, les images brouillées des appels de radio quêtant le secours des étoiles. Et dans la buée, glissant sous les fenêtres, les navires marqués au fer rouge par leur feu et sa bouche marquée au fer rouge par sa bouche. Les grands navires appelant au secours. Les grands navires appelant au secours. Comme un oiseau mort. Je n'avais même pas deviné son corps, perdu dans l'ombre et confus dans le mélange des lumières. Mais tout montait quelque chose qui était une promesse et une menace. Je n'osais pas regarder ses yeux, mais je sentais dans le souffle de plus en plus proche un parfum de corps mouillé de pluie, de fruits mordus, et comme un goût d'anéantissement. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici. Filez. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire, mais filez avant que je... Filez! Elle resta un moment dans la porte, mit son capuchon, sortit en laissant la porte ouverte. J'y allais à mon tour. La rue était à sa place, les portes bien alignées. Je la suivis longtemps du regard. Elle avançait à petits pas dans la pluie, d'une démarche bien régulière, bien nette, la tête un peu baissée sous le capuchon, une passante comme les autres. J'étais tout mouillé. Je remis encore le disque. La pluie tombait plus calme, plus droite. Un fantôme de ville renversée habitait la rue. La lumière tournait. Au ras du trottoir, une conduite crevée sculptait des gargouilles d'eau. C'est depuis que je ne suis pas tranquille. De temps en temps, je secoue la tête. Si elle était restée, elle dirait encore que j'ai des tics. C'est qu'il me reste des gouttes de cette pluie et que j'essaie de les chasser avec les fantômes et les scories de cette drôle, si drôle d'époque. Dans la série Essais dramatiques, le club d'essai vient de vous présenter « Jusqu'à la fin des temps », essai radiophonique de Chris Marker. Par ordre d'entrée en onde, Pierre Marteville était Pat Cormon, Yves Penaud, Jerry, Suzanne Marchelier, l'inconnu, et Micheline Granchet, la chanteuse. Prise de son, Raymond Verchère, au magnéto, Vincent Poédras, production Roger Iglesis, mise en onde de Georges Godbert. Cet essai dramatique a été enregistré le 30 décembre 1949. Vous pouvez le télécharger et le réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.